Chapitre 6. Tout en jouant ferme des jambes pour se maintenir à la hauteur de son compagnon, qui courait presque, tant il avait hâte d'être de retour à la poivrière, le père Absinthe songeait, et une lumière toute nouvelle se faisait dans son cerveau. Depuis 25 ans qu'il était à la préfecture, le bonhomme avait vu, selon son expression, bien des collègues lui passer sur le corps et conquérir, après une année d'emploi, une situation qu'on refusait à ses longs services. En ce cas-là, il ne manquait jamais d'accuser ses supérieurs d'injustice et ses rivaux heureux de basse flatterie. Pour lui, l'ancienneté était le seul titre à l'avancement, l'unique, le plus beau, le plus respectable. Quand il avait dit « Faire des passe-droits à un ancien et à un vieux de la vieille est une infamie », il avait résumé son opinion, ses griefs et toutes ses amertumes. Eh bien, cette nuit-là, le père Absinthe découvrit qu'à côté de l'ancienneté, il y avait quelque chose, et que le choix a sa raison d'être. Il s'avoua que ce conscrit qu'il avait traité si légèrement venait d'entamer une information comme jamais lui, vétéran chevronné, n'eût su le faire. Mais s'entretenir avec soi n'était pas le fort du bonhomme, il ne tarda pas à s'ennuyer de lui-même, et comme on arrivait à un passage assez difficile pour qu'il fût nécessaire de ralentir le train, il jugea le moment favorable à un bout de conversation. « Vous ne dites rien, camarade, commença-t-il, et on jurerait que vous n'êtes pas content. » Ce « vous », surprenant résultat des réflexions du vieil agent, aurait frappé le coq si son esprit n'eût été à mille lieues de son compagnon. « Je ne suis pas content, en effet, » répondit-il. « Allons donc, vous étiez gai comme un poisson il n'y a pas 10 minutes. C'est qu'alors je ne prévoyais pas le malheur qui nous menace. Un malheur? Et très grand. Ne sentez-vous donc pas que le temps s'est incroyablement radouci? Il est clair que le vent est au sud. Le brouillard s'est dissipé, mais le temps est couvert. Il menace. Il pleuvra peut-être avant 1 heure. Il tombe des gouttes déjà, je viens d'en sentir une. » Cette phrase fit sur le coq l'effet d'un coup de fouet donné à un cheval vigoureux. Il bondit et prit une allure encore plus précipitée en répétant « Hâtons-nous, hâtons-nous !» Le bonhomme prit le pas de course, mais son esprit était, on ne peut plus troubler, de la réponse de son jeune compagnon. Un grand malheur, le vent du sud, la pluie, il ne voyait pas. Non, il ne pouvait voir le rapport. Intrigué outre mesure, vaguement inquiet, il questionna, bien qu'il n'eût guère que juste assez d'haleine pour suffire à la course forcée qu'il fournissait. « Parole d'honneur, dit-il, j'ai beau me creuser la tête. » Le jeune policier eut pitié de son anxiété. « Quoi ? » interrompit-il toujours courant. « Vous ne comprenez pas que de ces nuages noirs que le vent pousse dépendent le sort de notre enquête, mon succès, votre gratification ?»« Oh ! » !»« Il n'y a pas de haut, dit l'ancien, malheureusement. 20 minutes d'une petite pluie douce, et nous aurions perdu notre temps et nos peines. Qu'il pleuve, la neige fond, et adieu nos preuves. Ah, c'est une fatalité. Marchons, marchons plus vite. En êtes-vous à savoir qu'une enquête doit apporter autre chose que des paroles? Quand nous affirmerons au juge d'instruction que nous avons vu des traces de pas, il nous répondra « Où ?» Et que dire? Quand nous jurerons sur nos grands dieux que nous avons reconnu et relevé le pied d'un homme et de 2 femmes, on nous dira « Faites un peu voir ?» Qui sera penaud alors? Le père Absinthe et le coq. Sans compter que Gévrol ne se fera pas faute de déclarer que nous mentons pour nous faire valoir et pour l'humilier. Par exemple? Plus vite, papa, plus vite. Vous vous indignerez demain. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Des empreintes si belles, si nettes, reconnaissables, qui seraient la confusion des coupables. Comment les conserver? Par quel procédé les solidifier? J'y coulerais de mon sang s'il devait s'y figer. Le père Absinthe se rendait cette justice que sa part de collaboration jusqu'ici était des plus minimes. Il avait tenu la lanterne. Mais voici que pour acquérir des droits réels et solides à la gratification, une occasion, croyait-il, se présentait. Il la saisit. « Je sais, déclara-t-il, comment on opère pour mouler et conserver des pas marqués sur la neige. » À ces mots, le jeune policier s'arrêta net. « Vous savez cela, vous ? interrompit-il. Oui, moi, répondit le vieil agent, avec la nuance de fatuité d'un homme qui prend sa revanche. On a inventé le truc pour l'affaire de la Maison Blanche, qui a eu lieu l'hiver au mois de décembre. Je me la rappelle. Eh bien, il y avait sur la neige, dans la cour, une grande diablesse d'empreinte qui faisait le bonheur du juge d'instruction. Il disait qu'à elle seule, elle était toute la question, et qu'elle vaudrait 10 ans de travaux forcés de plus à l'accusé. Naturellement, il tenait à la conserver. On fit venir un grand chimiste de Paris. « Passez, passez !» Pour lors, je n'ai vu pratiquer la chose de mes yeux, mais l'expert m'a tout raconté en me montrant le bloc qu'on avait obtenu. Même il me disait qu'il m'expliquait cela à cause de ma profession et pour mon éducation. Le coq trépignait d'impatience. « Enfin, dit-il brusquement, comment s'y prenait-il ? » « Attendez, j'y suis. On prend des plaques de gélatine de première qualité, bien transparentes, et on les met à tremper dans de l'eau froide. Quand elles sont bien ramollies, on les fait chauffer et fondre au bain-marie, jusqu'à ce qu'elles forment une bouillie, ni trop claire ni trop épaisse. On laisse refroidir cette bouillie jusqu'au point où elle ne coule plus que bien juste, et on en verse une couche mince sur l'empreinte. Le coq était pris de cette irritation si naturelle après une fausse joie, dont on reconnaît qu'on a perdu son temps à écouter un imbécile. « Assez !» interrompit-il durement. « Votre procédé est celui du goulin, et on le trouve dans tous les manuels. Il est excellent, mais en quoi peut-il nous servir? Avez-vous de la gélatine sur vous ?»« Pour cela, non. Et ni moi non plus. » Autant donc eût valu me conseiller de couler du plomb fondu dans les empreintes pour les fixer. Ils reprirent leur course, et 5 minutes plus tard, sans un mot échangé, il rentrait dans le cabaret de la veuve Choupin. Le premier mouvement du bonhomme devait être de s'asseoir, de se reposer, de respirer. Le coq ne lui en laissa pas le loisir. « Aux deux pieds, papa, commanda-t-il. Procurez-moi une terrine, un plat, un vase quelconque. Donnez-moi de l'eau. Réunissez tout ce qu'il y a de planches, de caisses, de vieilles boîtes dans cette cambuse. » Lui-même, pendant que son compagnon obéissait, il s'arma d'un tesson de bouteille, et se mit à racler furieusement l'enduit de la cloison qui séparait en deux les pièces du rez-de-chaussée de la poivrière. Son intelligence, déconcertée d'abord par l'imminence d'une catastrophe imprévue, avait repris son équilibre. Il avait réfléchi. Il s'était ingénié à chercher un moyen de conjurer l'accident, et il espérait. Quand il eut à ses pieds 7 ou 8 poignées de poussière de plâtre, il en délaya la moitié dans de l'eau, de façon à former une pâte extrêmement peu consistante, et il mit le reste de côté dans une assiette. « Maintenant, papa, dit-il, venez m'éclairer. » Une fois dans le jardin, le jeune policier chercha la plus nette et la plus profonde des empreintes, s'agenouilla devant et commença son expérience, palpitant d'anxiété. Il répandit d'abord sur l'empreinte une fine couche de poussière de plâtre sec, et sur cette couche, avec des précautions infinies, il versa petit à petit son délayage, qu'il saupoudrait au fur et à mesure de poussière sèche. Au bonheur, la tentative réussissait. Le tout formait un bloc homogène et se moulait. Et après 1 heure de travail, il possédait une 30 de clichés, qui manquaient peut-être de netteté. Il eut encore néanmoins le temps de couvrir avec les planches et les caisses réunies par le père Absinthe un certain nombre de traces qu'il mettait ainsi pour quelques heures à l'abri du dégel. Enfin, il respira. Le juge d'instruction pouvait venir.